réécouter cette émission ainsi que consulter la liste de toutes les chansons jouées via le CISM893.ca et l'application mobile de CISM. Bonjour à toi, cher auditeur de La Marge. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolaine Ruet jusqu'à 4 heures. Critique de Crowd! Si c'est la première fois que tu l'écoutes, ben ouais, le nom le dit, je critique les foules. Je suis avec toi, cher spectateur. Je suis debout dans la crowd, en train de danser, en train de m'amuser, en train de regarder aussi les musiciens sur leur scène. Et j'en fais un merveilleux compte-rendu à chaque semaine. Et cette semaine, pas de spécial parce que deux spectacles et qui ne fitent pas ensemble. Par contre, je crois que c'est un spécial gestion de manteau. Aïe, aïe, aïe! Deux événements complètement différents, mais où j'ai eu l'impression qu'on n'était pas encore préparé à l'hiver. Et me semble que, en tant que province qui aime la neige, ben on devrait quand même être bien préparé, mais non, pas exactement, mais ce ne sera pas la faute de mon oncle Serge à son lancement, non plus à cause de LCD Sound System. Ce ne sont pas les artistes, mais plutôt les salles. Et justement, je vais beaucoup parler, je crois, du Petit Campus, même s'ils célèbrent leur merveilleux 50e anniversaire. Mais oui, je vais parler de salles de spectacle, puisque c'est la toute première fois que j'allais à Place Belle, la Place Belle. Et oui, je suis bien emballée de le mentionner, parce que oui... Oui, chers auditeurs, je me suis rendue à l'extérieur de Montréal pour une critique de Crowd. Alors, bonjour et à l'aventure. À l'aventure à la ville de Laval. Que de plaisir, que de Centropolis, que de Place Belle. C'est à suivre. Alors, commençons tout de suite en musique. Et, bien, sûrement que vous l'avez entendu plus qu'une fois parce qu'on les aime beaucoup à CISM. Ponctuation, nous ont sorti une belle nouvelle toune pour un album qui sortira l'année prochaine, Mon herbier du monde entier. Et oui, il faudra attendre avant de l'écouter au complet, mais pour l'instant, écoutons Fleur. We'll be right back. ponctuation sur les ondes de CISM avec la chanson Fleurs sur leur album Apparaître, Mon herbier du monde entier. Et vous écoutez Critique de Crowd, Rollin dans la foule pour vous, chers auditeurs. Et aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Ça, c'est mon commentaire à moi-même que je vous partage parce que je me suis dit, ah, est-ce que je fais une critique de Crowd du lancement de Mon Oncle Serge? Et j'aime beaucoup Mon Oncle Serge et j'ai l'impression que dès que je vais commencer à parler de lui, ça va prendre ça va prendre toute l'émission. Mais en même temps, un lancement de Mon Oncle Serge, ben oui, je crois que ça devient une tradition de sa part. Il l'a dit lui-même au spectacle qu'il a souvent joué au Café Campus. C'est peut-être même une des places qu'il a joué le plus souvent dans sa carrière. Et ben c'est un 5 à 7, c'est relativement tranquille comme foule. Il va jouer 3-4 chansons. Alors, c'est vraiment... c'est même pas un échantillon. C'est un échantillon de l'album, mais pas un échantillon crowdien, si on veut, dans le sens où le plein potentiel d'énergie, d'enthousiasme, de danse, de trash sera nettement pas au rendez-vous. Et on le sait qu'avec Mon Oncle Serge, on peut s'attendre j'allais dire au meilleur et au pire, mais ouais. C'est ce qui est merveilleux aussi avec Mon Oncle Serge, c'est comment à la fois, je trouve que dans ses plus récents albums, il retourne aux sources. Avant son avant-dernier album, oui, il faisait un retour avec les chansons politiques qui abordent l'actualité. Cette fois-ci, un album, comme d'habitude, avec un humour irrévérencieux. Il joue encore avec ses thématiques qu'il aime beaucoup. Mais il semble que la première tune qui est sortie sur Internet, c'est encore une fois, ça, on dirait que ça parle des tannants de cours de récréation, sexe, drogue, rock'n'roll. Mais avec, on dirait que celle-là, cette chanson-là, je la trouvais peut-être un peu bon enfant. Ouais, quand même, dans ce sens-là, qui aborde encore la religion, cette fois-ci plus la religion catholique. Et pour moi, c'est un peu ça, mon oncle Serge. C'est comment il est capable de fluctuer avec l'ambiance sociale. On l'a vu quand même plus trash, plus rentre dedans, puis je mets à côté ses projets avec Anonymous, mais cette fois-ci, oui, je trouve que ça s'imbrique bien, puis on va le voir dans les commentaires qu'il va faire durant le spectacle. Mais avant, arrivons au Café Campus et au Petit Campus que je mélange tout le temps. Je suis comme premier, deuxième étage. Tant que la porte est ouverte, j'y vais. Et je monte les escaliers juste à temps que je vois un spectacle. Je sais pas... Et pour de vrai, quand je vous dis gestion de manteau, ben ça a été ma première réaction quand je suis arrivée au Café Campus, c'est que tout le monde portait encore leur manteau. J'ai vu en sortant que la file avait l'air plutôt longue pour le vestiaire. Était-il plein? Était-il surchargé? Mais c'est drôle de voir autant de gens porter leur manteau en salle pendant qu'il fait chaud. Oui, ça donne encore plus l'aspect 5 à 7. On dirait qu'on est pressé. Tu sais, c'est comme 5-7, ça va être fini. Le show a fini exactement à 18h24 et 25, t'es déjà parti. T'sais, même pas besoin de t'en griller. T'es déjà de retour par chez vous. Ou peut-être, ça c'est bien personnel, mais le fait de garder son manteau à l'intérieur ou de pas quoi faire avec son manteau, pour moi, c'est comme une sensation prétend des fêtes. Tu sais, les piles de manteaux que tu mets sur le lit de grand-maman ou de ta matante, ou juste comme de pas avoir assez de scène dans ton garde-robe. Gestion de manteau, pour moi, c'est un synonyme, oui, de quelque chose de festif. Alors, c'est pas une... Ben oui, c'est sûr que ça peut être des fois plate et encombrant. Ça peut avoir un impact sur notre appréciation du spectacle et même comment on se sent dans la foule. Mais c'est pas... Étrangement, oui, je trouve que ça goûte la cannelle et les... les bonbons rouges et verts de Noël, les manteaux à l'intérieur. Et c'est très crowded, on va le dire. C'est sûr que le petit campus, ben il est petit, alors ça se remplit quand même assez bien, section en arrière avec des tables, des chaises, mais autrement, quand je suis arrivée, le parterre était plein. Les gens l'attendaient et le show a commencé à 18h03! Ça, c'est mon oncle qui est tight, garde ça, je fais des... Ça, c'est mon bruitage pour dire qu'il est tight avec mes mains. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce bruitage, chers auditeurs. Et sinon, ben écoute, il y avait déjà toute une scéno là, sur scène, parce qu'il y avait une banderole du PRCQ, que nous apprendrons, qui est le Parti révolutionnaire conservateur du Québec, et avec le titre de son nouvel album, ben on peut bien en déduire. Et sinon, oui, il y avait aussi des pancartes électorales avec chaque face des musiciens et le nom du parti avec leur nom, là. Vraiment très cliché, là, électoral. Et durant le spectacle, justement, il va nous présenter le concept de son parti, mais en disant que l'album n'est pas non plus leur carte électorale. Même que il y a quelqu'un dans la crowd qui a demandé, il y a quelqu'un qui a demandé s'il pouvait avoir une carte de membre, et visiblement ça a un peu perturbé mon oncle qui avait vraiment pas prévu la question. Puis il a même lui-même affirmé, il a dit, ah, tu m'as fait perdre mon idée, mais non, tu es membre dans ta pensée. C'est comme ça, c'est aussi fort, ça va du mental, le Parti révolutionnaire conservateur. Alors oui, il a bien rattrapé, et pour moi, c'était vraiment du mononcle tout craché, parce que il y a vraiment une façon de parler. Déjà, il scande un peu quand il parle sur scène. On le voit qu'il est préparé, mais qu'il est capable de, oui, pouvoir attraper les réponses qu'il y a dans la foule. Oui, ça l'a mélangé, puis on a vu que son ton s'est modifié quelque peu, mais qu'il est capable, oui, il va répondre au monde. Il faut dire que, dans la crowd de mon oncle Serge, ben oui, il va tout le temps avoir des callers, et... Ça colle, mais des fois, c'est inaudible. Parce que, oui, la première personne avec la blague des cartes de membres, on l'a très bien entendu. Mais sinon, il y en avait d'autres que c'était un petit peu moins clair. Et des fois, pour le mieux. Parce que... C'est pas toujours la crème, des fois, mon oncle. C'est très... Je l'adore, mais des fois, ça crowd, je suis un peu tendue avec. Des fois, il y en a qui en font trop. Fait que tant mieux, c'est quand même modéré sous le collage. Parce que sinon, ça aurait... Ça aurait pu aller dans une gradation peu agréable. Et en même temps, c'est encore une fois, c'est tellement court. Il a fait comme 4-5 chansons. C'était pas le temps de niaiser ses commentaires. Mais pas beaucoup de danse, comme je vous ai bien dit. Par contre, il y avait une madame dès le début. Vraiment une madame qui est là avec ses dévoles. Et comme, yeah, mon oncle, je t'aime, yeah, dévoles. Qui a été très rapidement dans la foule remplacée. Pas parce que les gens étaient tannés, mais juste comme... a disparu ou a s'est calmé. Là, après ça, ça a été un couple qui se tenait bras dessus, et c'était vraiment au centre. Au centre où on sentait qu'il pouvait avoir une certaine attraction, parce que je crois que l'énergie de mon oncle Serge va toujours attirer ça, peu importe ses différents projets, qu'ils soient parti politique, que ce soit le Serge Jazz Band, que ce soit avec différents... Peu importe les costumes qu'il va avoir ou en set acoustique, je crois qu'il y a quand même une petite attraction au centre où on a envie... ceux qui ont envie de s'énerver vont vouloir s'énerver et vont s'énerver. Tu vois qu'il y a beaucoup d'intentions, hein, même dans ma phrase, parce que par la suite, après qu'il le coupe bras dessus, heureux d'être content devant mon oncle Serge, ben, il y a eu deux jeunes gaillards, vraiment jeunes, là, je veux dire, c'est un show 18 ans et plus, et on parle de cartes, mais ben, je sais pas, je pense pas qu'on cartait ce jour-là, mais en tout cas, certains doutent. Et ouais, il était là, puis il dansait, il s'énervait, il sautait. On sentait qu'il y avait un petit poussoyage qui avait envie de trasher. Un de leurs camarades s'est joint à eux, alors comme gros moment de crowd, mais ça aurait été trois gars qui s'excitaient peut-être un peu plus que la moyenne. Mais encore une fois, ça paraît pas décalé, ça paraît pas comme quelque chose qui est pas à l'écoute du restant de la crowd. Là, pour moi, avoir vu mon oncle Serge dans différents contextes. Non, ça me paraissait tout à fait logique. Là où je trouve, puis comme je vous ai dit au début de la critique, que je trouve qu'il fluctue bien avec l'ambiance actuelle, on va se le dire, comme je parlais la semaine dernière, l'ironie, le sarcasme, ça peut être un genre humoristique difficile et qui peut être très facilement pris au premier degré. Là, ça, je pense que j'apprends pas grand-chose de neuf à personne, là, mais... Mais reste que, étant donné que, oui, il peut être cinglant, mon oncle Serge, mais il s'en sort bien. Je trouve que ces temps-ci, c'est des temps très durs pour ce type d'humour-là. Et j'avais en tête vraiment le moment où il faisait les accommodements raisonnables. Mon oncle Serge, les accommodements raisonnables, je me dis, comme show aujourd'hui, je pense que j'ai le DVD, il faudrait que je le réécoute, mais je me demande à quel point ça passerait aujourd'hui. Et comment son humour aussi a évolué ou s'est modifié par rapport à ça, parce que durant le spectacle, c'est sûr qu'avec un parti tel que le Parti révolutionnaire conservateur, on sent la blague, mais on sent tous les débordements que ça peut avoir. Et dans son spectacle, son costume, c'était, cette fois-ci, c'était un col roulé, tout comme ses autres musiciens. Et là, il dit que c'est chaud dans un col roulé, on le croit bien. Et il y a même une fille qui dit qu'il est bien beau. Puis là, il a remercié encore une fois, une bonne interaction avec la foule. Et il a dit, ah oui, mais le col roulé, c'est important au Québec. Parce que Gilles Vigneault le portait. C'est un symbole, Gilles et le col roulé. Et il a dévié le sujet en amenant un des joueurs des Canadiens qui, bon là, c'est le moment que ça paraît que je suis pas une sportive, là, j'ai aucune idée c'est lequel. Mais ça a l'air qu'il y en a un qui porte souvent des cols roulés et que ça prouve à quel point, en tant que joueur des Canadiens qui n'est pas... ouvrons les guillemets, un fameux pure laine, ben que le fait qu'ils portent souvent des cols roulés prouve à quel point l'intégration est réussie et qu'on les aime, les immigrants. Alors, j'ai trouvé ça quand même fort de sa part de twister avec le même thème qu'il y a d'habitude, la même, tu sais, que ça soit aussi grinçant. C'est sûr que là, je voulais pas compter avec beaucoup de punch. Je vous le dis, il fallait être sur place pour trouver ça drôle. Les gens ont ri et ils ont crié d'approbation sur le fait que, oui, c'est important, l'inclusion, puis avec le nom de son parti, on s'entend que ça pourrait déraper sur mille et un. Oui, bref, ça pourrait très mal finir. Tandis que je trouve que c'est brillant de sa part d'être conscient que dans sa foule, oui, d'amener des points positifs collectivement au lieu d'entretenir une ironie qui pourrait être plus dangereuse que d'autres choses. Et oui, sa blague, je suis vraiment déçue de vraiment mal vous la raconter. Je m'excuse, Crown, fallait vraiment que tu sois là. J'espère qu'il va la refaire le 29 décembre prochain parce qu'il va faire un autre spectacle au Café Campus. Faut qu'il la refasse. Parce que pour moi, ça prouve toute la force de mon oncle de pouvoir toujours garder son personnage puis qu'il puisse autant fluctuer à la fois musicalement, à la fois comme dans sa crowd qui varie, tu sais, dépendamment. Si t'es acoustique, si t'es avec l'anonymous, pour moi, ça prouve encore une fois toute sa force. J'étais vraiment... j'étais heureuse d'assister à ce lancement-là, puis à cette blague-là, puis la réception de la foule. J'étais, ouais, vraiment, vraiment contente. Et aussi, à la fin du spectacle... Belle surprise, j'ai envie de dire. C'est drôle, j'ai dit les Québécois de souche, le pur laine. Mais peut-être qu'on peut avoir cette idée-là de mon oncle Serge avec des albums qui parlaient du Canada. Il a parlé beaucoup de souveraineté. Mais dans la salle, j'ai entendu des anglophones et j'ai aussi entendu une Française qui était comme « Je l'attends avec impatience! Je viens représenter la France! » Et je crois que ça doit quand même prouver dans un sens que ces tournées européennes ont porté fruit, mais aussi que son public est beaucoup plus large que peut-être le cliché même de ses paroles, parce qu'il parle beaucoup de sa foule dans ses chansons, et peut-être, ouais, et peut-être plus nuancé qu'il voudrait même le dire dans ses paroles. Alors, un lancement qui m'aura beaucoup, oui, réconforté. Alors, un album que je vais écouter et réécouter, Révolution conservatrice, et justement, on va écouter la chanson-titre de l'album. Dans ce monde où le rap et le franglais ont contaminé les esprits, on le croyait disparu à jamais, l'amour sacré de la patrie. Mais voilà qu'à la faveur de l'ombre, il est en train de renaître. Les entendez-vous de sous leur tombe, les cris de joie de nos ancêtres. Des hippodromes et les sept carrés qui étaient l'objet de mépris détrônent ces rythmes étrangers qui nous avaient envahis. L'auréole qu'on avait arrachée aux vieux héros de chez nous sans nous attendre et restituer à Duplessis et aux chanoines gros. C'est le retour de Séraphin Poudrier et de Menon Maître Draveur. On remet de l'eau dans les bénitiers et à l'antenne le jour du Seigneur. Le fruit est mûr. Il était plus que temps que s'accomplisse la révolution conservatrice. C'est le retour salvateur de nos valeurs fondatrices, la révolution conservatrice. On en veut à la belle des crucifix, des croix et des crues et des Jésus-Christ. Dans nos parlements, nos hospices, c'est la révolution conservatrice. Et la tourtière reviennent en force au menu, où le halal et le verger avaient sournoisement pris le dessus. Voici le violon de Tiblan Richard et les histoires du père Gédéon. On ne confinera plus au placard nos cinq fléchés et nos accordéons. Qu'il est beau de voir nos enfants qui errent encore se droguer, tourner le dos aux stupéfiants pour réciter pieusement le chapelet. C'est la chute irréversible de la modernité corruptrice, la révolution conservatrice. Oui, notre âme est restaurée jusque dans ses moindres interstices, la révolution conservatrice. On en veut à la belle des crucifix, des croix et des crues et des Jésus-Christ. Dans nos parlements, nos hospices, dans nos postes de police, c'est la révolution conservatrice. La révolution conservatrice, la révolution conservatrice. Veillez plus jamais sur votre père ou mari. Rendez-le vigilant dans la lutte qui n'a jamais de cesse pour lui. Gardez une famille nombreuse, unie au pied du crucifix et de votre statue, serrée autour du clocher paroissial, groupée sous la houlette de nos évêques et soumise aux directives du vicaire de Jésus-Christ. Que chaque foyer de chez nous soit un bastion inaccessible aux assauts d'une propagande païenne, étrangère à nos mœurs et à notre foi. Ainsi soit-il. Hey, parle-moi de ça, une toune en fade. Alors, tout doucement et tranquillement, Révolution conservatrice sur les ondes de CISM, mon oncle Serge, ah, je l'adore. Et vous écoutez toujours Critique de Crowd, qui, ben oui, je t'ai dit spécial gestion de manteau, mais où c'est bien qu'il va y avoir de la gestion de manteau à faire? Ben, c'est à Place Belle! Et c'est la première fois que j'allais à la Place Belle depuis son ouverture cet automne. Ouais, elle est quand même pas trop en retard, ces nouvelles. Et ben oui, quoi que je dis en retard, c'est nouvelle, je sais pas toi, crowd, mais quand même, ça m'arrive de temps en temps dans la vie de descendre au métro Montmorency et j'avais jamais réalisé à quel point il y avait comme de la construction. Le projet, quand même, il date pas d'hier, là, je veux dire, ça prend pas 2 minutes le construire, là, cette merveilleuse place-là. Mais pour de vrai, pour moi, ça a apparu comme un champignon, ça va être boum! Il est juste apparu juste à 2 minutes du métro. Effectivement, il est très proche, cette Place Belle, qui se veut être le domicile permanent du Club École des Canadiens. Bon, si c'était pas le fait que c'était une patinoire à l'intérieur, ça m'échapperait complètement comme information. Comme je vous l'ai dit, le sport, ça m'échappe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et aussi que ça m'intéresse peu, pour être bien franche. Même si je le sais, crowd. Je sais qu'il y en a plein de crowd qui trippent sur le sport, crowd qui crie, crowd qui se maquille la face pour encourager son équipe préférée. Mais bien heureusement pour moi, la Place Belle offre une multitude de spectacles, et entre autres The Killers qui vont être en spectacle l'année prochaine, au mois de mars, Scorpions, et oui, j'ai assisté à LSD Sound System, et j'avais quand même des doutes sur la place et sur... Cette salle mérite-t-il la peine? Ça a l'air d'une drôle de question, là, mais déjà, en partant, je crois que pour plusieurs, puis moi-même, je me disais des fois à Montréal, c'est vrai qu'il manque un entre-deux entre le Métropolis puis le Centre Bell. Mais, tu sais, des fois, c'est peut-être juste comme, on a l'impression que ce Ben-là, ah, oh, mon Dieu, il est sold out au Métropolis, ah, il aurait dû faire 2 dates, ah, il faut donc une salle plus grande, mais à quel point et jusqu'à quelle étendue plus grand ou entre les deux? Parce que quand même, il faut le dire, c'est sa vocation musicale de remplir, disons, ce besoin-là, et aussi parce que c'est une salle qui est quand même qui est capable de plus s'adapter. Je vous avouerai là qu'il y a bien des détails sur la disposition événementielle qui peut pas me paraître aussi flagrant hein, une première expérience. Parce que paraît-il que oui, ça peut accueillir des spectacles plus intimistes, autant que le parterre peut accueillir jusqu'à 3000 personnes. Comme comparatif, le Centre Bell, ça en accueille 2200. Fait que déjà, en partant, tu peux avoir encore plus de monde debout que oui, dans les estrades. Mais cette fois-ci, je vous le dis tout de suite, là, mais c'était pas plein, c'était vraiment pas plein, non. Mais ça change pas que c'était agréable, je trouve que c'était... Est-ce que c'était assez crowded? Oui et non, là, parce que visiblement, la moitié de la Place Belle était pas pleine, là, mais juste là, l'endroit en soi, ça peut amener aussi une atmosphère, je comprends bien. Mais je me disais, voyons, il me semble qu'on est assez nombreux pour faire comme un... Ouais, Métropolis sold out. Fait que, encore une fois, j'ai envie de suivre de près les spectacles qui se passent à la Place Belle. Le seul problème, c'est que, ouais, c'est... Je vous ai mentionné The Killer Scorpion. C'est pas tant mon genre. Alors, lentement, mais sûrement, cette observation pour la Place Belle. Et aussi, c'est peut-être aussi la question. Est-ce que les gens de Montréal vont vraiment se déplacer à Laval? Il y a une barrière psychologique vraiment puissante, il faut le dire. Parce que techniquement, question transport en commun, c'est un coût de 3,25. La STM s'arrête au-delà de cette, notre chère île. Alors oui, il faut payer pour le retour. Est-ce qu'il pourrait avoir possibilité de, avec le billet, pouvoir retourner chez soi pour Grétis? Des fois, c'est vrai, je me suis posé la question, étant donné que ce serait quand même plus écologique, l'utilisation de l'auto. Je veux dire, t'as 2 minutes du métro, on dirait que ça crie, la place Belle crie « Allez, prends le métro, je suis à côté! » Tu le vois, on dirait qu'il y a comme un incitatif pour contrecarrer sûrement cette barrière-là, de dire « Ouais, mais Laval, c'est loin. Hey, là, va pas me déplacer jusqu'à l'autre bout de la ligne orange. » Puis qu'en même temps, c'est des fois assez pour que les gens ne se déplacent pas. Je trouve ça quand même drôle. Je me dis 3,25, c'est quand même pas beaucoup. Puis en même temps, ça peut être peut-être suffisant. Ou, ce sera les têtes d'affiches qui feront bien la différence, qui vont nous amener jusqu'à l'autre bout, jusqu'à Montmorency. Sur ce, pour rendre hommage à Laval, allons écouter Laval d'Hugo Boursier. Pas en arrière. bon conducteur. Oh oui, à chaque fois que je vous parle de métro, j'ai toujours envie de vous mettre Bouche de métro de Moussette et ces choses que j'ai faites. Chanson qui se retrouve sur leur album Reste en lumière. Et vous avez aussi entendu Hugo Boursier, la chanson Laval de son album Voir Hochelaga et mourir. Ben oui! Plus de Laval, plus de LCD sur le système, plus de critiques de crowd, tout ça après les publicités. À tout de suite. Mara Tremblay, porte-parole de la 24e édition du Festival Noël dans le Parc, le plus grand festival de Noël à Montréal, qui aura lieu du 1er au 25 décembre. Musique, culture et tradition, avec Louis-Jean Cormier, Vilain Pingouin, Damien Robitaille, Croy et bien d'autres. J'y serai moi-même, le spectacle d'ouverture du 1er décembre. Noël dans le Parc, une foule d'activités en plein cœur du centre-ville. Des spectacles gratuits dans une ambiance réconfortante et magique. Pour plus de détails, visitez Noël dans les parcs. Turbo Tana, ça va brasser de dates et tympans. En direct à tous les vendredis à la CISM. Avec Julien, Nick et Donovan, à grand coup d'amour. Les Turbotanants, le vendredi de 20h à 21h. Ça brasse encore dans tes shorts. Vous écoutez CISM 89.3 FM. We'll be right back. Et oui, vous aurez bien reconnu Chocolat, leur chanson « Retrouver Loulou ». Ils sont en spectacle ce soir à l'ESCO! À l'ESCO, alors Chocolat avec Fontaine, soyez-y. Et vous écoutez toujours Critique de Crowd sur les ondes de CISM. Ben oui, comme d'habitude, je vous fais bien des suggestions de Crowd. Et ce soir, mon Dieu, il s'en passe des affaires. Antoine Corriveau, c'est son spectacle. Il me semble que c'est... Mais pour moi, je trouve que c'est un événement. Je suis pas sûre que je vais pouvoir y être si vous y êtes. Oh, faites-moi un retour! Écrivez-moi sur Facebook de Critique de Crowd, un spectacle unique avec un orchestre de 25 musiciens. Ça se passe à l'usine C pour Antoine Corriveau. Sinon, ce soir, c'est aussi le lancement de l'Arlo avec Zouz et Marie-Claire. Ça se passe au Quai des Brumes. Vendredi, Métalleux sera-tu à Belphégor? Il y aura Critopsy aussi en spectacle avec eux, c'est malade. C'est au Théâtre Corona. Sinon, un plus rap, ben, il y a Bad Nylon, jeu de mots et je le rate, bravo. Et Bad Nylon, dans le cadre de Révèle la relève à la Maison de la culture de Maisonneuve avec Ken Lo. Samedi, c'est à Place au Punk. Cette fois-ci, ils sont souvent à Montréal, les Flatliners. Allez-y, je crois bien que la foule est toujours heureuse de les retrouver en spectacle. Cette fois-ci, c'est au Club Soda. Et en première partie, il y a entre autres Single Mothers, que j'adore. Alors, ça va être une merveilleuse soirée. Et sinon, samedi, il y a aussi Lisa Leblanc au Théâtre Corona. Dimanche, Re pour toi, Métalleux, c'est Evans Cry qui sont en spectacle au Petit Campus. Sinon, j'avais eu des beaux commentaires de Shamir en spectacle. Encore une fois, si vous y allez, dites-moi si la rumeur est vraie. Alors, Shamir, ça se passe au Belmont. Lundi, Bruit de criquet. Mardi, même chose, ouais. Les jours de semaine sont parfois difficiles au mois de décembre. Alors, encore une fois, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'écrire courriel, Facebook, puis tout autre moyen de communication possible. Et finalement, mercredi, je t'avais fait une longue critique de Crowd de la Ligue d'improvisation musicale de Montréal. Je t'invite à y aller. C'est le troisième match. J'ai bien apprécié mon expérience. Alors, allez-y bien gaiement au Café Campus. On va continuer tout de suite en chanson avec les tounes du palmarès francophone de CISM. On va écouter Coco Terra et Gasoline. Je veux rien tâcher. Jürgen, je te regarde sous la pluie des arbres. J'aime parfois peur que le ciel ne nous tombe pas sur la tête. Loin de nous, Jürgen, qu'est-ce que tu vois? De Gasoline. Vous avez aussi entendu Coco Terreur et la chanson Horoscope. Chaque chanson que vous avez entendue, les deux, bien, ils se retrouvent sur le site de CISM, CISM893.ca, avec une multitude d'autres tunes qui sont tout aussi agréables à écouter et réécouter, et plein d'autres sections sur ce site des découvertes à n'en plus finir. Et sinon, en ce moment, sur les ondes FM, vous écoutez Critique de Crowd. Et je vous salue tous ceux qui m'écoutent en balado-diffusion. Des fois, j'oublie des fois l'espace-temps. Oui, il est relatif des fois à la radio. Et sinon, ben écoute, toujours en ce spécial gestion de manteau, ça va venir la gestion de manteau. Pour ça, il faut arriver à la place Belle pour le spectacle de LCD Sound System. Et quand je dis arriver, comment dire? Mais ça, c'est gros, place Belle, il y a Evenco derrière tout ça. C'est pas, j'ai envie de faire un mauvais parallèle sportif, là, mais on n'est pas dans les ligues mineures. Effectivement, c'est pas mal rodé corps de tour, me semble, ces organisations-là. Il me semble que la gestion juste pour rentrer à la place Belle était un peu pas laborieuse. Mais il y avait un caller, pas une mononcle Serge, mais un caller de « OK, tout le monde! À gauche, c'est OG! Les sièges, c'est l'autre bord! » Il gueulait même tout le long que les gens sont arrivés. Et le spectacle, je sais pas s'il a commencé en retard dû à cette gestion ou tout simplement parce qu'il y avait un DJ avant. Mais ouais, c'était quelque chose. Pauvre gars qui devait caler les gens qui étaient en admission générale. Déjà, OG, le monde qui comprenait pas trop. OG, admission générale, sur ton billet, regarde sur ton billet. Et là, là. Alors ouais, il y avait différentes entrées à la place Belle. Fait que déjà, ouais, c'était dur à cerner. Mais ça, il manque des panneaux. C'est tout ça. Tout ça pour dire que ça, il manque deux, trois petites affaires de même, comme un panneau, tu sais, pour marquer pied en très général, qui pourrait simplifier la chose. Ou peut-être qu'ils ont simplement envie que les gens usent de leur diaphragme pour ne pas user leur corde vocale en gueulant à la crowd. Sinon, mais écoute, c'est propre. Et que c'est propre dès que tu rentres. Je le répète, propre. Propre, genre, t'échappes quelque chose à terre que tu t'étais en train de manger parce que oui, il y a beaucoup de consignes alimentaires, fait que tu peux te nourrir abondamment. Fait que, mettons, t'échappes quelque chose, là, oublie la règle de 3 secondes ou 5 ou le nombre de secondes que tu veux selon ton niveau de propreté et t'as pas besoin de compter. C'est propre comme ça se peut pas. Pour un lieu public, ça paraît que c'est neuf, c'est plutôt impressionnant. Et ben oui, on rentre à l'intérieur, mais il y a beaucoup de fouilles qui peut des fois d'une salle à l'autre peut être assez rapido, hein? À peine on ouvre le sac, c'est fait. Mais cette fois-ci, c'était plutôt exhaustif. Même que le gars à la sécurité m'a demandé « Madame, est-ce que c'est un canif que vous avez dans votre sacoche? » Puis là, je comprenais zéro pourquoi il me demandait ça. Juste à temps de réaliser que peut-être d'un regard un peu trop rapide, une clé USB, ça peut ressembler à un canif. Et là, vous me direz « Mais qu'est-ce que tu faisais, Jolene, avec une clé USB? » Ben un, ça prouve juste que je fais pas le ménage de ma sacoche. Ou je me disais que LSD, il y avait besoin peut-être d'un backup de beat. Non, pour de vrai, c'est juste que je fais pas le ménage. Fait que, ouais, détecteur de métal aussi. Et le détecteur de métal avec la petite boîte brune, là, ou non, grise, tu sais, pour mettre ta sacoche à côté, là. Vraiment comme quand tu vas à l'aéroport, ça m'a donné une impression d'être en vacances. Vaut mieux le prendre de même que d'avoir l'impression que c'est abusif. Et là, ce serait quand même un grand débat sur la sécurité et la crowd et les gros événements. Mais sur ce, ouais, le détecteur de métal, ça m'a donné le goût. Non! Pas de mettre des chansons métal, mais presque. Des chansons de vieux punk, du vieux punk français avec Métal Urbain, Panique. Et ce sera suivi avec Scrotum et la chanson Métal Urbain, c'est-tu pas d'adon? Panique, panique, panique, métal urbain du groupe Scrotum. Et vous avez aussi entendu Métal urbain avec leur chanson Panique. Et vous écoutez toujours Critique de Crowd sur les ondes de CISM. Ah, au spectacle de LCD. Hey, depuis le début de l'émission, je me suis dit, je vais le faire, le lapsus à un moment donné. Je me suis dit, à un moment donné, je vais le dire, LSD, Sound System. À date, je suis juste en train de le dire trop lentement. Mais maintenant, sachez-le, cher auditeur, c'est pour ça. Oui. Alors, LCD Sound System à Laval, à Place Belle, qui est propre, qui a une crowd tout à fait variée, autant dans la tranche d'âge qu'il n'y en a vraiment pas, Et aucun... Non, ça mène pas comme une crowd particulière. Ah, c'était varié. Comme, il me semble que je suis arrivée, puis il y avait une crowd de gars en poncho, puis... Puis juste à côté, t'avais des madames qui commandaient des petits copes de petits vins. Fait que je trouvais qu'il y avait... Oui, il y avait quelque chose d'harmonieux dans la foule, très hétéroclite, mais en même temps que ça fonctionnait. Parce que c'est vrai, moi, j'avais pas une idée précise de qui allait voir LCD Sound System. Et comme de fait, c'est très, très, très varié. Et j'arrive dans la foule au parterre et c'est là que le moment que je réalise... Ben ouais, on se croirait comme à la maison, on se croirait comme à Noël, comme je vous ai dit tantôt, avec grand-maman là, qui laisse son lit queen où on peut le déposer tous nos manteaux, parce que la piste de danse était devenue un énorme garde-robe, complètement. C'est... Encore une fois, j'ai l'impression que Place Belle a besoin encore de roder son affaire, parce que le vestiaire, c'était le chaos. Ça avait l'air chaotique. J'ai vu la file d'attente. J'ai dit, hey boy, que je m'embarque pas là-dedans. Un, ça demande de la patience. J'en ai pas. Deux, ça demande du temps qui équivaut aussi à de la patience. Tout ça, ça va ensemble. Puis, au début, je me disais, il est 8 heures, mon Dieu, je vais manquer le spectacle. Finalement, le show, il a commencé comme à 9h30. Là, je pense qu'on a tout le monde aurait eu le temps de... Oui, non, si tout le monde l'avait fait, je pense qu'on n'aurait pas eu le temps d'aller déposer notre manteau. Paraît-il, j'ai lu les commentaires sur Internet, sur l'événement Facebook du spectacle, comme quoi le retour aussi, c'était épouvantable. Là, c'était long. Mais juste avoir la file, je me disais, non, j'abandonne. Je vais traîner mon manteau. Je crois que le destin le voulait parce que j'avais apporté un sac qui était complètement vide. Fait que j'étais comme, hey, c'est pratique. Alors, non, personnellement, ça m'a pas trop embarrassé dans la crowd de garder mon manteau, mais il y en avait justement qui ont abandonné le projet oui, d'être bien conventionnel en utilisant le vestiaire payant. Ils ont dit tant pis. Et ils dansaient autour des manteaux. Et je dis danser parce que le spectacle n'est pas commencé. C'est pas clair. Au bout de la scène, vraiment pas au centre. Là, comme moi, ça m'a pris une demi-heure avant de réaliser que c'était pas juste de la musique, mais bien un DJ. Il y avait un DJ qui mettait du beat. Ben, sur le coup, je trouvais que le monde, il s'ambiançait pas à peu près. Là. Il y en avait deux, justement. Un à grosse pile, une montagne de manteaux. Là, il danse autour comme si c'était le feu de la Saint-Jean. Puis t'en as un autre qui était aussi... Oh mon Dieu, d'une danse comme c'était de l'incantation, là. Il y avait du monde qui était dedans. Et au début, ouais, effectivement, mais du monde, mon Dieu, le monde s'ambiance beaucoup. Mais il y avait quand même une certaine part de raison, puisqu'il y avait une première partie plutôt implicite, parce que jamais retrouvé c'était qui le DJ, personne ne sait trop non plus. C'est obscur, il n'est pas présenté non plus sur les posters. Je suis comme, voyons, c'était qui lui, mais comme de fait, je sais pas, c'est aussi l'attente qui était longue qui donnait le goût. Le beat était bon, c'était très... Il y avait quelque chose de tropical, c'était chaleureux. Ça donnait plus le goût que de simplement pouvoir arrêter debout puis d'attendre. Et par contre, j'avoue, d'habitude dans la foule, oui, j'aime bien qu'il y ait d'interaction. Je dis j'aime, j'ai pas besoin de sociabiliser absolument avec la crowd. C'est juste que dans ce genre de lieu-là, les stades, là, je pense, stade olympique ou la place Belle. C'est pas là où tu te dis que la chaleur humaine va véhiculer le plus dans la place. Déjà, c'est immense, tu sais. Fait que ça peut être un peu, ça peut être un peu impersonnel comme spectacle ou en tant que spectateur, l'impression de faire de la colocation avec le reste de la foule. On est tous là ensemble, mais c'est juste pour partager l'espace. On vit pas de quoi. Il n'y a pas d'échange. On vit de quoi collectivement, mais c'est pas si vrai que ça non plus. On est un peu là, un peu pour chacun. Et le seul moment où j'aurais eu il y en a deux. Attention pour la deuxième, mais la première, ben, la seule interaction que j'ai eue avec la crowd, c'était avec un Albertain qui maintenant habite à Ottawa, puis il m'a dit, hey, je suis venu voir le show ce soir. Il fait comme de fait, t'es là. Et parce que le show à Toronto était beaucoup plus cher. Alors, ça peut en motiver quelques-uns à s'être déplacés jusqu'à Laval. Alors, ben, belle discussion qui m'a fait apprendre, ben oui, sur les billets et les coûts qu'ils avaient à Toronto. Et c'est le moment aussi que j'ai réalisé que la Place Belle n'était pas si crowded, mais qu'il y a toujours une attraction à vouloir être bien en avant. Parce que le show n'est pas commencé, ouais, on commence à ne plus avoir vraiment de bulle personnelle. Et je sais pas si c'était ses amis ou encore une fois, le gars était juste bien sociable, là, fait qu'il jasait avec tout le monde. Fait que là, il y avait deux dudes qui viennent de Vancouver qui sont comme « Hey, oh, oh, where you come from? » Ouais, il y avait une grosse voix grosse, puis là, il riait comme « Oh, oh, oh, derrière moi. » J'avais tellement plus de bulle que leur bédaine, il arrêtait pas d'accoter mon omoplate, puis j'étais comme « Le show n'est pas commencé, puis je comme... » J'ai hâte qu'il commence juste pour me dire est-ce qu'il va avoir de l'espace, est-ce que ça va un peu circuler, est-ce que ça va, oui, est-ce qu'il va avoir de la danse, puis je vais pouvoir me sentir à mon aise parce que ouais, parce que ouais, là, l'ambiance d'une grosse bédaine de bière sur mon omoplate, c'était peut-être pas parti pour la gloire ce spectacle-là. Yeah boy, mais non non, il était quand même il était sympathique le temps qu'on s'est jasé là, mais ouais, bref, ouais, on a hâte que le spectacle commence, qu'on attend au moins une heure et demie à l'avance. Et comme de fait, oui, j'étais arrivée à l'heure pour tous les habitués de l'émission. Sur ce, ben écoute, pour toi DJ obscur mais qui aura fait danser comme des, oh mon Dieu, comme des possédés, deux personnes dans la crowd qui étaient vraiment incroyables, ben je te le dédie, toi DJ mystérieux, le DJ brûle et c'est OK des Dorothée. Dorothée sur les ondes de CISM sur leur album Danse et Explose. Ben oui, ça fait bien la chanson. Le DJ brûle et c'est OK. Et vous écoutez toujours Critique de Crowd qui vous jase de LCD Sound System en se disant, ben coudonc, peut-être qu'il y en a qui savent pas c'est qui. Des fois, je parle des bands, puis j'oublie de, ben oui, de faire une jolie présentation. Puis LCD, ben c'est le projet solo de James Murphy qui a aussi le label DFA Records. Pour le genre, on dirait que on dirait que c'est le genre de groupe que j'ai pas envie de mettre une étiquette. C'est drôle parce qu'ils disent comme dance punk. Et c'est vrai que c'est dans ça, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'élan rock dans la crowd. Des fois, peut-être que je voulais, ouais. Des fois, j'aime bien halluciner qu'il y ait des mosh pits parce que ça me fait plaisir d'en voir. Mais il y a quand même, tu sais, des sauts sur place. Il y a quand même un certain énervement, oui, qui peut porter à ça. Mais, mais pour tout ça, peut-être qu'ils ont connu le groupe avec la toune Daft Punk is playing at my house, at my house. Là, c'est... Oui, c'est la façon que je reprends les paroles. Et ben non, ils vont pas jouer leur gros succès durant le spectacle. Ils vont davantage jouer de leur plus récent album, American Dream, qui est sorti le 1er septembre dernier. Et aussi, il faut mentionner, leur dernier spectacle, c'était au Metropolis en 2010. Et paraît-il que ça avait été très, très, très, très fou comme ambiance. Alors, un retour attendu, je crois, pour les fans des débuts, et des peut-être moins débuts, mais en même temps, ils ont tellement joué beaucoup de récentes chansons qu'il fallait pas non plus à s'attendre à qu'ils se fassent juste des anciennes, justement. Puis personnellement, j'avais pas autant réécouté le plus récent album, puis j'ai été vraiment charmée de ce spectacle-là, comment il y avait une belle fluidité dans les choix musicaux, et là-dessus, c'était vraiment, vraiment excellent. Et aussi, scéniquement, je trouve qu'il y a quelque chose qui permettait d'avoir une forme de proximité qui peut être assez difficile dans des lieux d'aréna. Mais ouais, c'est pas chaleureux déjà à la base. C'est supposé être de la glace où c'est qu'on est. Mais autrement, sur scène, ben, je trouvais que ça avait quelque chose de laboratoire. Les instruments, ils étaient pas face publique. Ils étaient de côté. C'était parallèle. Très groupé en avant. Fait que oui, je trouvais que ça donnait un esprit plus labo. Plus ils sont en train de peut-être jammer dans leur local. Ça amenait cet esprit où on voyait une cohésion avec le groupe. Alors, ça donnait peut-être ce partage-là plus fort avec la crowd. Sinon, c'était plutôt minimaliste pour... ouais, tout ce qui pouvait accessoirer la scène. Oh mon Dieu, y a-tu juste moi qui a spoté l'espèce de... Il y avait une minuterie sur scène. Ça dit depuis combien de temps le show il roule? Ça, je l'ai pas compris. Des fois, il checkait l'heure. Il fait comme, oh, ça fait une heure et demie que nous jouons. Mais ça peut... J'ai trouvé ça un peu bizarre, tu sais. Il y avait pas grand... Tu sais, déjà, c'est en rouge, là. C'est en néon. On le voyait bien, tu sais, de la foule. Parce qu'il y avait pas... Oui, les éclairages, ils étaient très colorés. Gros rouge, là, pétant avec la grosse boule disco. Oui, c'était très présent, mais étant donné qu'il y avait rien à part les instruments sur scène, il me semble pour moi c'était comme hyper flagrant la grosse horloge numérique. Et sinon, ben encore une fois, cyniquement, ben James Murphy, j'ai adoré comment il était, parce que quand je vous dis proche du public, ce qui peut pour moi paraître compliqué avec ce type de salle-là, qui a quelque chose d'impersonnel, ou que souvent ça amène des spectacles hyper rodés là, avec mille costumes puis plein de changements de décor, puis on dirait que oui, t'écoutes la toune là, mais tu regardes le show plus que tu l'écoutes. Ben cette fois-ci, Murphy, il était comme entre les deux, tu sais. Il y avait quelque chose de... il y avait une prestance. Il tenait son pied de micro, il penche. Il va des fois tenir juste son micro puis rouler le fil autour de son poignet. Puis d'autres fois, vraiment, tu sais, un peu slacker, genre il replace sa chemise comme si de rien n'était. Puis entre d'autres moments où il y a plus d'éloquence, il va... quelques petits moments de pantomime. Là, non, il était pas en train de nous faire des mimes non plus, là, mais quand même, quelques jeux de main avec... plus visuellement compréhensible comme un langage que simplement de la danse en tant que telle. Et oui, je prends beaucoup de temps pour vous parler de ce qui se passe sur scène, parce que je trouve qu'il y a quand même un impact entre justement le lieu dans lequel que c'est, puis comment le vivre dans la crowd. Comme je vous ai dit... me semble le début du spectacle, tu sais. Me semble, oui, hein, les gens sont contents, oui, ça applaudit, oui, on essaye de danser, mais on est coincé en avant, puis les gens, je sais pas, c'est pas que c'est pas accommodant, mais ça garde sa place. Il y a vraiment quelque chose de pas chaleureux. Je trouve que c'est le genre de salle qui amène vraiment pas, je sais pas, une certaine forme plus... Ouais, plus humaine. J'ai vraiment pas l'impression que j'étais avec la foule. J'étais entourée de foule. J'étais collée sur de la foule. Mais j'étais pas avec la foule. Et j'ai décidé de me faufiler aussi dans la foule au moment où... Je sais pas si elle aussi essayait de se trouver un meilleur spot dans le crowd, mais il y a deux filles qui traversent la foule et comme une garnemente, je décide tout simplement de les suivre. Je le sais, c'est pas gentil de faire ça. Non, mais en même temps, critique de crowd, j'aurais dit quoi? Que les gens à côté de moi, ils dansouillaient un petit peu puis ils applaudissaient. Tu sais, c'était tranquille. Et des fois, je trouve ça drôle parce que des fois, il y a tellement beaucoup de monde, tu sais, des milliers de spectateurs, quand tu le regardes des estrades, tu fais « Wow! » L'ambiance de feu qu'il y a sur la piste de danse. Mais je suis comme « Descendons pour voir! » Parce que quand on descend, étrangement, c'est plutôt l'inverse. C'est quand même tranquille. Ça prend pas beaucoup quand on est loin et qu'il y a beaucoup de gens pour que ça décuple l'impression. Ça me fascine, mais ouais, tel que tel, au parterre, j'étais comme... Le pire, c'est que la musique est tellement bonne, est tellement... le son était bon que j'étais prête à oublier que la crowd, c'était correct. Ou dans le cadre de la Place Belle, je pouvais pas chercher à plus d'esprit crowding qu'il faut. Mais là, oui, au moment où je décide de me faufiler dans la crowd, je cherche mon espace pour pouvoir m'amuser. Et... Je ris parce que... ma première tentative, qui fut mon deuxième moment là, avec la foule, un contact très direct, et quand je dis très direct, là, c'était des yeux de mort qui me regardaient, puis ils m'ont fait « Toi, si tu restes là, ça va pas bien se passer. » Fait que je suis pas restée, vois-tu? Faut trouver sa place dans la foule, puis ça inclut aussi de pas rester là où ça dérange les gens. Tu sais, je suis pas grande, c'est pas comme si je dépassais l'autre personne, mais j'étais comme « Ok, je m'en vais, chérie, ça, c'est correct. » Comme de fait, il y avait quelques groupuscules ici et là dans la foule, pas nécessairement hyper en avant. Moi, j'ai été pas mal le long du spectacle, comme à 6 rangées de la scène. Fait que c'était quand même assez très, très proche, mais c'était pas là qu'il y avait le plus d'énergie. Au centre, un petit peu plus reculé, oui. Ah oui, justement là où il y avait des gens qui sautaient, qui donnaient l'impression que c'était peut-être un peu plus violent que ce l'était en tant que tel, mais finalement, c'était surtout beaucoup d'enthousiasme pour le groupe. Hey, je vous ai parlé du label de James Murphy, et justement, il y a Essaye pas qui a sorti et qui va... Mais ils ont déjà un album de sortie, il y en a un autre qui va ressortir. Ça va bien leur affaire avec eux autres. Fait qu'on va aller en écouter du Essaye pas. Mais la seule chose, c'est que là, on veut... J'ai décidé de reculer dans le temps au lieu de vous passer justement les albums qui sont sur DFA. Ben, j'avais plutôt envie d'aller dans leur EP. Alors, allons écouter de Mante Liqueur. Thank you. Vous venez d'entendre « Demande cliqueur » de « Essaye pas ». J'aime vous avoir passé cette chanson-là. Je trouve qu'elle ressort beaucoup du restant de leur discographie. Alors, « Essaye pas ». Et sinon, ben oui, critique de Crowd encore et toujours au spectacle de LCD Sound System. Qui, mais oui, mais semble que... Je sortais de mes zones de confort encore une fois en étant dans un show de stade. La distance avec le groupe, la proximité qu'on a avec les gens, mais sans qu'il y ait une cohésion, sans qu'il y ait un sentiment harmonieux, mais que le fil... L'harmonie se trouve dans le fil conducteur musical. Il y avait tellement une fluidité que je trouve que juste se laisser bercer par la musique et vivre le moment présent, ben oui, je pense que ça oubliait bien des facteurs pour moi qui faisaient que ça, il n'y avait pas d'expérience humaine, mais une expérience musicale. Et même que, c'est drôle, mais je me disais, mais semble que, oui, ça aurait peut-être pu être dans une salle plus petite et qu'on aurait été... peut-être qu'on aurait été encore plus crowded et peut-être que ça ne nous aurait pas permis des grands élans de danse. Quoique, ceux qui ont envie de s'énerver, c'est étonnant comment on leur laisse l'espace. Ils ont toujours plus... ils ont une plus grande étendue sur la piste de danse, simplement parce que ils trippent tellement fort que... on dirait que c'est plus fort que leur corps, c'est plus fort que la simple conscience sociale de « Ah oui, je vais pas prendre plus de place que chacun en prend déjà. » Alors là-dessus, je crois que, là, encore une fois, l'expression « Là où il y a de la joie, il n'y a pas de plaisir », pourrait toujours se confirmer. Mais au-delà de ça, en moyenne, pour ceux qui ne s'énervaient pas trop, je trouvais quand même que la Place Belle, étrangement, m'a rappelé le hangar numéro 16 dans le Vieux-Montréal. Je n'ai vu qu'un seul spectacle de musique électro là-bas. Il y a un seul spectacle de musique point là-bas. La dernière fois, c'était du théâtre, de la danse. Mais ouais, quelque chose qui contraste entre la musique, entre une atmosphère de salle plus froide, mais qui vient créer un contraste vraiment intéressant avec la musique et qui, moi, en même temps, tu sais, le frais de la crowd, le frais de la salle et la chaleur de la musique faisaient, un bon mélange, étonnamment. Et aussi, je crois que les gens, des fois, ils peuvent venir comme les danseurs un peu plus exubérants. Bien, je crois que peu importe l'emplacement qu'ils ont dans la foule, si la musique vient vraiment leur chercher, ils vont danser. Des fois, dans les estrades, oui, la plupart des gens étaient debout, mais il y en avait qui dansaient, là, ils dansaient leur vie. Et en même temps, moi, je suis incapable d'être dans une estrade. Ça me donne littéralement le goût de pleurer. Je check la crowd, puis je suis comme « Ah! Je suis pas dans le crowd! Je suis toute seule à mon siège, avec un chiffre à signer! Ah! » Fait que je trouve ça beau, inversement, des gens qui, tu sais, ont juste besoin, justement, d'un petit espace. Puis c'est là qu'il va exploser tout leur bonheur de musique, sans vouloir le partager au groupe. C'est peut-être aussi ça la différence, tellement qu'ils sont loin, tellement il y a de l'impersonnel. Finalement, l'enthousiasme, tu l'as pour toi, puis c'est juste ça qui compte. Mais ouais, il va en avoir quand même des bons moments. Il va avoir une tentative de body surf. Bon, elle a quand même réussi, là. C'est juste qu'elle passait comme de gauche à droite. Ça n'a pas été très long. C'est plutôt tranquille, mais belle tentative, bravo. Sortie de l'acteur, ben ouais, du feu, toi, c'était old school au bout. Pendant New York, I love you, but you're bringing me down. J'ai trouvé ça très, très joli. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça. Et ça prouve encore une fois les référents qu'il peut avoir dans la foule, parce que j'ai pas vraiment vu de cellulaire. Puis ça aussi, c'était agréable. Juste du lighter. Et sinon, le groupe a annoncé un entracte de 5 minutes. Comme on revient pour des dernières tournes, comme un espèce de rappel, mais très, très officiel, mais avec un très long... Ouais, tu sais, comme d'habitude, on applaudit 30 secondes plus tard, là, les gens reviennent, mais ouais, il y avait une pause pipi avant la fin du spectacle. Je trouve ça bien sympathique de déconstruire, la façon qu'on peut concevoir le spectacle. Sur ça, pour rendre honneur à tous ces danseurs, danse de Miss France. Go! Miss France sur les ondes de CISM avec la chanson « Danse ». Et je crois que le moment le plus culminant en question d'or, justement, durant le show de LCD Sound System, c'était aux 5 minutes de rappel. Je crois qu'il y en a qui, sûrement, étaient déjà dans la file d'attente des manteaux, ayant vu l'ampleur de l'attente. Mais sinon, ça a été tellement beau. Ça a été un moment là, d'osmose avec la foule. Comme je vous dis, c'est drôle les contrastes qu'il y avait entre la foule, entre le groupe puis la salle. Et qu'à ce moment-là, peut-être c'est parce que je me suis déplacée dans la crowd. J'étais plus en arrière, plus sur le côté. Oui, il y avait plus d'espace nécessairement. Et les gens étaient moins taponnés en avant que mi-salle, disons. Mais les gens dansaient librement. Et je sais pas encore une fois si c'est le fait que, oui, la salle n'était pas à pleine capacité qui donnait encore plus la possibilité de prendre l'espace comme on en avait bien envie, mis à part, disons, la conception de les gens qui sont hyper fans veulent être absolument en avant, plus on est crowded parce qu'on va être plus en avant. Mais très facilement, quand on ressortait de cette partie-là de la crowd, il y avait une magie qui opérait. Je pourrais pas vous l'expliquer parce qu'encore une fois, il n'y avait pas de sourire ou de regard complice avec les gens. C'était vraiment une osmose musicale. C'est intangible. C'était comme si tout le monde était sur la même longueur d'onde en même temps pour aucune autre raison que la musique. Parce que non, il n'y avait plus vraiment de proximité physique non plus avec les autres danseurs, mais une espèce de... Ouais, j'ai pas d'autres mots. C'était vraiment comme une cohésion. C'était une osmose. C'est vraiment étrange. Et juste pour ça, j'étais contente. Je me suis dit, on a tous vécu de quoi? En même temps, peut-être vous allez me dire, Jolène, t'étais toute seule dans ta tête. Pas tout le monde l'a vécu de même. Mais non. Il y a vraiment eu quelque chose de vraiment particulier dans les dernières chansons. Et j'ai trouvé ça beau. Je suis certaine aussi que si j'étais restée en avant, il se serait passé de quoi. C'était le mot de les loops, les répétitions, la musique. Il y a eu quelque chose de transcendant à la fin du spectacle. Et vraiment, c'était incroyable. Alors, je vous en parle. Non, ce n'est pas exactement la chanson qui a clôturé le spectacle, mais j'ai bien envie de vous passer Tonight de LCD Sound System. Je m'appelle Jolène Ruet, c'est toujours un honneur d'animer sur les ondes de la marge. Je parle beaucoup, je suis pas sûre de vous passer la toune au complet, fait que j'espère que tu vas apprécier l'extrait de LCD. Je vous suggère surtout d'écouter l'album au complet de American Dream. On se retrouve la semaine prochaine et pour toute suggestion de crowd, les internets est bien pratique pour ça. Everybody sing the same song. It goes tonight. I never realized these artists thought so much about dying. But truth be told, we all have the same end. Could make you cry. But I'm telling you, this is the best news you're getting all week. Oh, sure, it's ruling the airwaves. But what remains of the airwaves? And we're frankly thankful for the market psychology you're hipping us to. But all the hits are saying the same thing. There's only tonight. Man, life is finite, but it feels like forever. It feels like forever. You're getting old. 8 décembre, rendez-vous dès 21h à la Grande Bibliothèque pour la Nuit des Possibles. En extérieur, découvrez Instruments à vent, une installation de l'artiste Étienne Paquette. À l'intérieur, assistez à des performances artistiques, prenez part à des salons de discussion et dansez sur des prestations musicales qui rythmeront cette nuit. DJ Tignas, Buffalo Hat Singers, La Bronze et Pierre Quenders DJ Set. La Nuit des Possibles est présentée par la Serre Art Vivant, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, l'ONF et le partenariat du Quartier des Spectacles dans le cadre des célébrations du 375e anniversaire de Montréal. Hey Gab, t'as-tu le temps pour une bière après ton cours? Ben certain, mais je t'avoue que j'aurais le goût de boire autre chose que de la bière commerciale. Je commence à être un peu tanné. Ben là, on a juste à aller au Medley Simple Malt. Le Medley Simple Malt? Ben oui, c'est le bar Simple Malt Brasseur au coin de Bellechasse et Saint-Hubert. Ils ont tous les grands classiques de bière brassés au Québec puis en fût à part de ça. Wow, là tu jases. On se rejoint là-bas après mon cours? Parfait, à tantôt! Simple Malte Brasseur, de la vraie bonne bière en vente presque partout. Bon Sound présente Lisa Leblanc en concert le 9 décembre au Théâtre Corona. Ciao, bye! Ciao, bye! Achetez vos billets dès maintenant au evenco.ca. Le dernier album de Lisa Leblanc, Why You Wanna Leave Runaway Queen, est disponible partout. Could you at least wait till I've had my coffee? Le Festival international de jazz de Montréal dévoile quelques artistes de sa programmation sur scène cet été, mais en vente maintenant. La jeune sensation pop française, la pétillante Jane, un des plus intrigants trios de jazz de l'Europe, Gogo Penguin, et Daniel Caesar débarquent avec son R&B soul infusé de gospel. Vieille info au montrealjazzfest.com. Présenté par TD en collaboration avec Rio Tinto, en association avec La Presse Plus et CISM. Scène 1425, propulsé par Commotion, Agitateur de culture présente Big Flo et Oli à Laval. Le duo de frères toulousains Big Flo et Oli viennent présenter son deuxième album, La Vraie Vie. Longtemps le plus jeune groupe de rap français, il fait maintenant partie des meilleurs. Il propose du hip-hop pur et émouvant. Big Flo et Oli, le 14 décembre, en spectacle à l'Annexe 3, situé à deux pas du métro Montmorency. Réserve tes billets via co-motion.ca dès maintenant. Bonne nouvelle. Blue Skies Turn Black est fier de présenter le retour de l'artiste signé sous Flemish High Record, Chad Van Garlen. Le vendredi 8 décembre au Théâtre Fairmount, ne manquez pas un concert envoûtant dont la première partie sera assurée par l'association locale Un Blonde. Pour les billets et plus d'informations, visitez le blueskiesturnblack.com. Vos études sont peut-être finies, mais pas votre progrès. Les diplômés du campus de l'Université de Montréal obtiennent 20% de réduction sur l'abonnement au CEPSUM. Visitez cepsum.umontréal.ca pour tous les détails et inscrivez-vous dès maintenant. Vous écoutez CISM 89.3 FM.